Célia, oh Célia, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi, Célia. Je t'ai soutenu toute ta jeunesse aussi. À présent, tout ce que tu veux faire ne dépend que de ta conscience. Célia, oh Célia, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi, Célia. Je t'ai soutenu toute ta jeunesse aussi. À présent, tout ce que tu me fais ne dépend que de ta conscience. Oh, ah. Célia, souviens-toi, Célia, tu étais très jeune lorsque je t'avais connu. Personne ne faisait attention à toi. Orpheline, tu étais sans soutien. Je t'ai soutenu pour tes études, Célia. Depuis le collège jusqu'aujourd'hui, tu m'avais promis entre nous, ah, ton amour, Célia, oh, chaud, ton attachement, Célia, oh, chaud, la reconnaissance, Célia, oh, chaud, pour notre union, Célia, un jour. Célia, oh Célia, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi, Célia. Je t'ai soutenu toute ta jeunesse aussi. À présent, tout ce que tu veux faire ne dépend que de ta conscience. Oh, ah. Tu as réussi, Célia, tu n'as plus besoin de moi. Tu es seule maintenant. Attachement.